إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب Inch'Allah, de ce jour, on va commencer une qira'a, une lecture dans le livre de Cheikh Al-Othaymin, Al-Musamma bi Sharh Usul Al-Iman, yani Nubzatun fil Aqidah. Le Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Othaymin, Rahimahullah Ta'ala, qui est l'explication des fondements de la foi. Il va ici résumer les choses obligatoire, essentiel à connaître pour le musulman dans la foi, pour sa religion, des choses qui n'est pas permis d'ignorer. Donc cela servira principalement à ceux qui sont nouveaux en islam, ceux qui viennent de se convertir, ceux qui viennent de se repentir, et qui sait même, bifadlillah, pour misalan, ceux qui n'ont pas encore embrassé cette religion, qui s'y intéresserait, qui sache quelle est notre croyance de façon globale. Et après, il y a d'autres détails qu'on peut rajouter dans la croyance, importants aussi, obligatoires à savoir. Ceux-là sont les principaux. Ou même pour ceux qui, par exemple, ont autour d'eux des gens, parmi les gens de la masse, qui ignorent ces choses-là, leur faire profiter, leur faire connaître. Donc ce livre, alhamdoulilah, il est court, il est simple et résumé. Il ressemble beaucoup au Masail qu'il y a dans Usul Salafa. Mais fait avec un autre tartib, avec un autre ordre, avec des choses en plus. Et en même temps, ça nous fera, Inch'Allah, office de révision de Usul Salafa. Naam. Donc l'auteur commença par la basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Puis fil la muqaddima. Thumma tahta, amma ba'd. Donc là, il a fait sa muqaddima, ce qui contient l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il commençait des sermons ou des rappels. Naam. Faqala amma ba'd. Fa inna 'ilma at-tawhid ashraf al-'ulum wa jalluha qadran wa awjabuha mutlaban li'annahu al-'ilm billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi 'ala 'ibadihi. Donc là il indique la science du tawhid, tawhid qui est l'unicité, c'est le fait d'adorer Allah seul. On appelle l'unicité, le fait d'adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Cette science du tawhid est la plus noble, la plus grande, et même la plus indispensable à connaître et à rechercher. Car elle est la science, c'est le savoir qui touche à Allah, à son essence, à ses noms, à ses attributs, à ses droits sur ses serviteurs. Ni savoir pourquoi elle a été créée, comment pouvoir te délier de ce droit. Qala wa liyannahu miftahun at-tariq ila Allah ta'ala wa asas shara'i'i. Wa asas shara'i'i. Wa lidha ajma'at ar-rusul 'ala ad-da'wati ilayhi. Qala Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi. Donc ce tawhid justement est la clé qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala et la fondation de sa législation, car tout acte est basé là-dessus, sur le tawhid, l'unicité. Si l'acte est conforme et sincère pour Allah seul, il remplira une condition pour qu'il soit accepté. L'autre condition viendra par la suite. Sans tawhid, il n'y a rien qui est valable, il n'y a rien qui est accepté. C'est pour ça que tous les messagers envoyés précédemment avaient tous une seule et même da'wah, un même appel. Ils appelaient tous au tawhid, tous. C'est pour ça qu'Allah dans le sens le dit. Et nous n'avons envoyé de messager avant toi sans que nous lui ayons révélé qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Si ce n'est moi, alors adorez-moi. Ava. La ilaha illallah hiya kalimat al-tawhid. فقال والشاهد لنفسه تعالى بالوحدانيه وشهد بها له ملائكته وأهل العلم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو العزيز الحكيم. Donc Allah SWT a attesté pour lui-même de son unicité, qu'il est l'unique, le seul qui mérite d'être adoré. Et également ses anges, comme cela va venir, qui sont les anges dans le livre. Ces anges, on l'atteste quasi également, ils en témoignent. Et qui d'autre après les anges, parmi les humains, les gens de science, les savants. Ceux qui ont obtenu la science, le savoir dans la religion, pour enseigner aux gens et les indiquer comment accomplir cette obligation qu'il leur incombe. C'est pour cela que Allah, dans le sens, il dit que Allah témoigne lui-même qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, ainsi que les anges, ainsi que les gens de science équitables. Les gens de science, ils sont équitables. Nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, il est le puissant et le sage. Il est le puissant et le sage. ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا ليبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم يسعد بثمرته ونتائجه. Donc lorsque justement ce tawhid, vu son immensité comme on l'expliquait, son importance, alors il est devenu obligatoire pour chaque musulman, homme ou femme, et même enfant, de se soucier de l'apprendre. D'accord ? Chaque musulman doit se soucier d'apprendre ce tawhid, cette unicité, qui doit l'apprendre et qui doit l'enseigner également aux autres. Il doit l'apprendre et l'enseigner aux autres. Qui doit y méditer et qui doit en avoir pour croyance. Ce tawhid doit être sa croyance, afin de pouvoir justement y bâtir dessus sa religion, avec des fondations saines. Comme une maison si elle a des bonnes fondations, elle tient debout, bismillah ta'ala. Et si jamais ces fondations sont fragiles, elles ne sont pas bien bâties, qu'est-ce qui se passe? Au moindre choc, ou au moindre heurte, la maison peut s'écrouler. Ça, c'est comparable avec la religion. Celui qui n'a pas des bonnes fondations, dont le tawhid qui est la principale, sa religion par exemple peut s'écrouler. Quoi qu'il fasse comme acte, sa religion est amenée à s'écrouler. Donc tous les actes qui suivront par la suite sont le fruit de ce tawhid et son résultat. Naam. Faqala ad-dinu al-islami. La religion islamique. Je l'avais expliqué en gros, en quelques lignes, la religion de l'islam, celle des musulmans. قال هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأديان وأكمله لعباده وتم به عليهم النعمة ورضيه لهم دينا فلا يقبل من أحد دينا سواه. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc cette religion, quelle est-elle? C'est la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est tayyib, et avec laquelle Allah a clôturé toutes les religions, qui avaient des religions antérieures, des livres antérieurs, comme une forme de série. Et la dernière sur religion, c'est l'islam. L'islam, c'est l'aboutissement de ces religions. Et plus tard, Inch'Allah, il va expliquer comment cela s'est fait. Donc, cette religion est la dernière et la plus complète pour ses serviteurs, par laquelle Allah a complété son bienfait et a agréé pour eux cette religion. Donc, aucune religion après l'islam n'est agréée. Depuis que l'islam est arrivé, aucune autre religion n'est agréée. Ni christianisme, ni judaïsme parmi les religions dites monothéistes et dites, inspiré des livres divins et célestes. Allah, dans le sens, il dit que Mohammed n'était pas le père de l'un d'entre vous, mais cependant le messager d'Allah est le dernier des messagers, ou plutôt des prophètes. Le dernier des prophètes. Wa qala Allah ta'ala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. J'ai aujourd'hui pour vous compléter votre religion et parachever sur vous mon bienfait. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Certes, la religion pour Allah, c'est l'islam. وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et celui qui recherche autre que l'islam comme religion, alors cela ne sera pas accepté de lui, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc là, ces versets sont clairs pour dire que seule la religion qui accepte auprès d'Allah, c'est l'islam. Celui qui se dit adorer Allah, aujourd'hui il l'appelle Dieu, c'est le même créateur. Ce nom-là ne lui est pas. Allah ne s'est pas nommé Dieu. Ça, c'est un nom qui a été inventé par les hommes. D'ailleurs, c'est un sens qui revient à la création, au jour, à la lumière. Il y a un article sur le site par rapport au fait de nommer Allah Dieu. Et Dieu, ce n'est pas un de ses noms. D'ailleurs, Dieu, ça a été attribué même à la créature. Les gens disent, ça c'est le Dieu de telle chose. Ça c'est le Dieu de telle chose. Il a même un féminin, déesse. Il a un pluriel, Dieu avec un X. Allah, c'est l'unique, c'est le seul. Allah, il n'a pas de féminin. Allah, il n'a pas de pluriel. Donc comment attribuer un pluriel à une chose qui est unique? Bien que tous les termes qui viennent pour Allah viennent au masculin. Tous les termes qui sont attribués à Allah viennent au masculin. Il n'a pas d'équivalent féminin. Abadan. Kalla. En disant cela, on tomberait dans le plus grand des péchés qui est le shirk. Le fait d'attribuer à Allah, ou de l'associer, de donner ce qui lui revient à autre que lui. Donc même ce nom Allah ne lui revient qu'à lui seul. Donc ce nom Dieu, il n'est pas permis aux musulmans d'appeler Allah Dieu. Mais pour que les gens qui ne sont pas dans l'islam comprennent de qui on parle, que Allah, ce n'est pas une nouvelle divinité. Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas une chose, par exemple, le Dieu des Arabes, comme ils disent. Non. Allah, c'est le créateur de l'univers. Celui qui a envoyé tous les messages auparavant. D'accord ? C'est le même. Cependant, que les gens connaissent son nom. Ou ses noms, car il a d'autres noms. Les plus beaux prénoms. Qui lui reviennent les meilleurs attributs. Subhanahu wa ta'ala. Wa qad farada Allah ta'ala la jami'a an-nas an yudinu Allah ta'ala bih. Qala mukhataban rasulahu wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Donc Allah a imposé à tous les hommes, à tous les êtres humains, de suivre cette religion. Toute personne qui se dit croyant monothéiste se doit de suivre l'islam seulement et pas une autre religion. Allah dit en s'exprimant à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, il dit, dans le sens relatif et rapproché, ô vous les hommes, c'est-à-dire que le messager doit dire cela aux gens, d'accord? Le messager doit dire cela aux gens, il doit dire, ô vous les hommes, je suis certes le messager d'Allah pour vous tous, celui qui a la royauté des cieux et de la terre, c'est-à-dire Allah, nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Il donne la vie, il donne la mort. Donc croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré, celui qui croit en Allah et en sa parole, et suivez-le afin que vous soyez guidés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire, il était illettré. Et ça c'est une chose qui est connue. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurayra radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min ahadi al-ummati yahudi ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Dans le recueil authentique de Muslim, qui est le livre, l'ouvrage écrit par les hommes le plus authentique après celui de Bukhari, un recueil de hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses paroles, il fut rapporté de Abu Huraira, le sahabi, le compagnon, radiallahu anhu, qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, c'est-à-dire il jure par Allah, personne n'entendra parler de moi dans cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui par la suite viendra à mourir sans croire par ce quoi je suis venu, sans qu'il soit parmi les gens du feu. Donc là le hadith il est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien déclaré que toute personne qui va entendre parler de lui dans cette communauté, c'est-à-dire la communauté, les gens à qui il a été envoyé, c'est-à-dire tous les hommes de son époque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Toute personne qui aura entendu parler de lui, qu'il soit même un chrétien ou un juif, qui se dise monothéiste, alors qu'ils ne le sont pas, et qui ne croira pas en lui, en son message, sera parmi les gens du feu. Donc le fait d'entendre parler de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, doit t'interpeller qui il est, qui est cet homme, avec quoi est-il venu. Et après tu recherches, et normalement si tu es sincère et que tu veux la vérité, bismillah, tu seras guidé pour prendre son message. Et si tu refuses, tu auras mécru en lui. Donc le mécréant, sa destination c'est le feu. وقال والإيمان به تصديق ما جاء به مع القبول والإذعان لا مجرد التصديق ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير الأديان. Donc également faut croire en lui, avoir la foi en lui. C'est-à-dire, c'est quoi avoir foi en lui? Croire ce qu'il a apporté comme message, l'accepter et s'y résigner. D'accord ? On doit croire ce qu'il dit. On doit l'accepter et on doit s'y résigner, s'y plier et accomplir et agir. Et ne pas simplement le fait de croire, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Car son oncle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a cru en son neveu. Il a cru son message. Il a même témoigné que c'est la meilleure des religions. Mais cependant, est-ce qu'il l'a accepté ? Est-ce qu'il s'est résigné ? Non. Donc il est mort sur la mécréance. Donc le fait de dire, moi je crois ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit, on dit, Tayyib, ça ne suffit pas. Il faut que tu l'acceptes et que tu t'y résignes et que tu appliques. Sinon le fait de croire dans ton cœur, cela ne suffit pas pour faire de toi un croyant. Cela n'est pas suffisant. قال والدين الإسلامي متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Donc cette religion qui est l'islam également, qu'est-ce qu'elle a? Elle englobe tous les intérêts, tous les bienfaits qui étaient trouvés, qui étaient présents dans les religions précédentes. Tous les biens qu'ils avaient, tu les trouves en islam également. D'accord? La différence, c'est que la religion de l'islam, elle s'adapte à tout lieu, en tout lieu et à toute époque, et à toute communauté. Car les autres religions avaient des rites leur étaient propres à certaines situations, certaines époques et certains peuples. Les messagers précédents ont été envoyés à des peuples en particulier. Voyez ? Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous les hommes. Donc là, tout le monde rentre dans son message. Et sa religion maintenant, aujourd'hui, comme Allah dans le verset, on l'a dit tout à l'heure, a dit qu'il a parachevé cette religion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est parfaite. Il n'y a rien à enlever et rien à rajouter. Donc il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant à son messager à propos du Coran, et nous avons descendu sur toi le livre en vérité qui confirme les livres précédents mais qui les abroge. Le Coran est venu pour abroger les livres précédents. Ces livres qui sont réunis dans la Bible aujourd'hui, qui sont la Torah. La Torah, qui aujourd'hui c'est l'Ancien Testament, et le reste qui est le Nouveau Testament, qui est censé être l'Injil, l'Évangile, soi-disant. Mais en réalité, l'Évangile, on ne l'a plus. Car les Évangiles présents dans la Bible aujourd'hui sont des témoignages des apôtres. Et ce n'est pas le livre que Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait descendre sur Isa, ce qu'ils appellent Jésus, alayhi salam. Donc l'Injil aujourd'hui, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Wa ma'na kouni salihan li kulli zaman wa makan wa ummah. أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان بل هو صالحها وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de s'adapter à toute époque et à tout lieu et à toute communauté? C'est qu'en fait celui qui s'accroche à cette religion verra qu'il peut l'appliquer en toute situation et à toute époque. C'est-à-dire le fait que par exemple le monde se développe au point de vue matériel ou quoi, l'islam s'applique toujours dessus. À titre d'exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens marchaient, se déplaçaient, par exemple, sur des montures, comme les chameaux. Mais aujourd'hui, les règles s'appliquant sur le chameau, les règles de la religion, on peut les appliquer sur la voiture ou sur l'avion. Mafalan. Et par contre, le fait de dire que cette religion s'adapte à toute époque et à tout lieu, ce n'est pas comme des gens y comprennent, que la religion doit se plier à l'époque et au lieu. Par exemple, aujourd'hui, des gens disent il faut réformer l'islam pour qu'elle s'adapte à la société de tel et tel pays. Par exemple, la France. Aujourd'hui, la France, c'est l'islam qui doit se plier à la France. On dit non, sûrement pas. L'islam, c'est la religion d'Allah, celui qui a créé la France, qui a créé ses habitants. La France, c'est un pays qui change leurs lois tout le temps. Ils apportent de nouvelles lois, ils en abrogent une, ainsi de suite. L'islam, lui, il est fini. Donc, justement, les gens, eux, doivent appliquer l'islam. Et s'ils ne peuvent appliquer l'islam comme il se doit dans un lieu, ils quittent ce lieu pour aller dans un lieu où ils peuvent l'appliquer. Et non pas, il y a un nid, réduire de la religion pour l'appliquer dans le lieu dans lequel tu es. On dit non, si ce lieu n'est pas à même de pouvoir t'aider à accomplir ta religion, alors tu vas ailleurs. Tu t'en vas. Tu n'as pas touché la religion pour pouvoir rester là où tu es. Tu t'en vas. Car la religion domine tout. والدين الإسلامي والدين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره ويظهره على من سواه قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Donc cette religion, c'est la religion de vérité, celle pour laquelle Allah a promis que celui qui s'y accrochera réellement, qui le sauvera, le secourra et qui le donnera, qui l'instaura sur terre. C'est-à-dire, il lui accordera la force en dehors des autres. Et cette force n'est pas forcément comme on l'imagine, mais du fait que les gens ne peuvent te nuire, en réalité. Individuellement parlant, les gens ne peuvent te nuire. Ils peuvent tenter de s'en prendre à toi ou quoi, mais en réalité, cela ne te nuira en rien. Il te sentira en toi que tu es élevé par rapport aux gens. Alors, dans le sens, il dit, il est celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité afin de dominer, de faire dominer toute la religion. N'en déplaise les associateurs, les mouchilikoun, c'est-à-dire les mécréants. Donc, Allah Ta'ala, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc, dans le sens, ça va être dit que Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont œuvré de bonnes œuvres qu'il leur donnera pouvoir sur terre comme il l'a fait à ceux d'avant, comme il l'a fait pour ceux d'avant, et qu'il leur fera dominer leur religion qu'il a agréée pour eux et qu'il changera leur peur en sécurité. C'est quoi la condition? Qu'ils m'adorent et qu'ils ne m'associent rien. Et celui qui m'écroit après cela, alors eux, ce sont les pervers. Dans le sens là de mécréants. Le fils Akbar. Faqal, wa dinu l'islami, aqidatan wa shari'atan, fa huwa kamilun fi aqidatihi wa shara'ilihi. Donc cette religion, qu'elle soit dans sa croyance ou dans sa législation, elle est parfaite. Premièrement, cette religion, ya'mur bi tawhidillahi ta'ala wa yanha 'anil shirk. Elle appelle, elle ordonne d'unifier Allah dans l'adoration et elle interdit de l'associer quoi que ce soit. Le fait de partager l'adoration pour autre que lui. Deuxièmement, يَأْمُرُ بِسِدْقِ وَيَنَهَا عَنِ الْكَذِبِ. Elle ordonne à la véracité, c'est-à-dire d'être véridique dans les paroles, et interdit le mensonge. Le mensonge est interdit en religion. Troisièmement, يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَيَنَهَا عَنِ الْجَوْرِ. Qu'elle ordonne la justice et qu'elle interdit le contraire qui est la justice et la tyrannie. Et cette justice, c'est celle qui est décrétée par la religion, pas ce que les hommes s'imaginent. Chaque chose est à sa place comme Allah l'a décrété. Quatrièmement, يَأْمُرْ بِالْأَمَانَ وَيَنْهَا عَنِ الْخِيَانَةِ. Il ordonne, yani, la confiance, c'est-à-dire que tu sois fiable. D'accord? Il interdit la trahison. Cinquièmement, يَأْمُرُ بِالْوَفَا وَيَنْهَا عَنِ الْغَدَرِ. Il ordonne la fidélité, interdit également, on pourrait dire, ce serait la trahison, en quelque sorte. Par exemple, tu as un pacte, un engagement, tu t'y tiens. Il ne t'est pas permis de le trahir. Sa'adisan, يَأْمُرُ بِبِرِ الْوَلِدَيْنِ وَيَنْهَا عَنِ الْعُقُوقِ. Il ordonne la bienfaisance envers les parents, leur obéissance, et il interdit l'ingratitude et la désobéissance des parents, même s'ils ne sont pas des gens de l'islam. سابعا يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن القطيعة. Il ordonne d'entretenir les liens de parenté, c'est-à-dire avec les proches de la famille, et interdit de rompre ces liens. ثامنا يأمر بالحسن الجوار وينهى عن السيء. Il ordonne justement au bon voisinage et interdit le mauvais, même si ton voisin n'est pas musulman. Même s'il n'est pas musulman, tu dois lui rendre son droit de voisin et de bien te comporter avec lui selon les limites décrétées par la religion. وعموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. Donc on dira tout simplement de façon générale que l'islam ordonne à tout bon comportement, tout bon mœurs et interdit le contraire. Toute bassesse, toute vilénie, tout ce qui, d'accord, est une chose qui est considérée comme un défaut dans le comportement. Mais également, on l'a bien dit, cela, on va dire, avec le décret divin. Parce que des choses, des fois, les gens s'imaginent que c'est un mal alors que ce n'en est pas un. Ou le contraire. Certaines choses sont considérées comme étant un bien alors que c'est le contraire. Donc ce qu'on appelle l'islam ne contient que du bien. Que l'on l'ait compris ou pas. ويأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء. Il ordonne à tout acte pieux, bonne œuvre et interdit les mauvaises. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Que Allah, dans le sens il dit, que Allah ordonne à la justice et la bienfaisance et de garder les liens de parenté avec les proches. Il interdit les turpitudes et les choses blâmables et l'injustice. Il vous exhorte afin que vous puissiez vous rappeler, afin que vous vous rappeliez. Naam. Donc là, c'était le début de cette lecture qu'on va faire, Inch'Allah, avec des taliq yani légers. Légers commentaires, quand en réalité, le kalam il est clair. Il est wadih. Donc là, il est venu avec le Muqaddima dans laquelle il explique en premier lieu les préceptes de l'islam, de cette religion. Que les gens sachent déjà à quoi appelle l'islam. Pour ne pas avoir de préjugés et de fausses idées. Et pouvoir, Inch'Allah, avancer sur cette religion avec le cœur apaisé. نعم. وبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.